Aina Allah, etc. Ils ont dit, ah, Hadith Muttalib, on ne peut pas regrouper, il y a des, hein, les différentes formulations, etc. Et même si dans le Sahih Muslim, c'est un hadith qui est daïf. Et à qui il parle ? Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Hein, je vous recommande ces cassettes-là, c'est plus clair que ça, c'est difficile. Hmm? Évidemment, ils n'avaient plus rien à dire à la fin, comme d'habitude avec Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Hein? Vous avez écouté le débat entre Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Mahsil Abad sur le jeûne du samedi ? Hein, écoutez-le. Deux montagnes. Hein ? Vous l'avez écouté ? Cheikh Al-Albani et Cheikh Abdel Mohsin Al-Abad. C'est très connu comme Hiwar Baina Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Mahsil Abad. Comme. Hein ? Pardon ? Cheikh. Ils débattaient entre eux. Tu vois l'adab aussi, comment Cheikh Al-Mahsil Abad il respecte Cheikh Al-Albani. Hein? Cheikh Falah Ismail, il m'a posé la question, il a dit, écoutez, j'ai dit, non. Il me dit, qui tu vois qui était le plus fort? Moi, j'ai dit un des noms. Cheikh Falah, il a dit, non, c'est l'autre. Tu vois? Hein? Parce que moi, je ne jeûne pas le samedi. Et Cheikh Falah Ismail, il est jeune. Il a dit, pourquoi tu ne jeûnes pas? Mais je savais qu'il voulait me faire rentrer dans un... Moi, j'ai dit, Cheikh, qu'est-ce que je lui dise? Hein? J'ai dit, Cheikh, on a mis comme un staffé dernier. Hein? Écoutez, le débat il est très très intéressant par rapport au Siyam Youssef. Et c'est une question qui est arrivée cette année par rapport à quel jour? Hein? C'était Ashura, vous êtes sûr? Hein? Arafa. Hein? Est-ce que tu le jeûnes pas? Alhamdoulilah, il y a des paroles des savants. Retournez aux paroles des savants par rapport à ça. Telle est la clarté. Tels étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'Allah les agrée tous. Et les prises de position claires sont nombre dans l'appel du prophète, alayhi salatu wassalam. A titre d'exemple, ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, au kharijite qui lui dit, « Ô Mohammed, sois juste. Ceci est un partage dont l'intention n'est pas la face d'Allah. » À qui il dit ça? Le prophète, alayhi salatu wassalam. Hein, vous entendez ça maintenant, les khawarij contemporains? L'Arabie Saoudite, ils ne partagent pas. Hein? Le pétrole, etc. Le même genre d'ambiguïté. Hein? Malheur à toi, qui donc serait juste si moi je ne suis pas juste? Il sortira de la côte de cet homme jusqu'à la fin du hadith qui est très connu. C'est une indication envers qui? Un absent qui n'a pas été présent. De qui il parle ici? Hein? Le prophète Sassam, jusqu'à la fin du hadith, de qui il parle? Bien sûr, est-ce qu'ils étaient là? Parce qu'il a dit, il va sortir de cette personne-là, des gens, et puis les a décrits. Est-ce que ce n'est pas un tahdir, ça? Cheikh Abou El-Javiri, il donne parmi les preuves du tahdir, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement mis en garde sur le Dajjal que les sahabas, qu'est-ce qu'ils ont cru? Fi ta'ifati? Nakhl, yani que quoi qu'il était? Parmi eux à Médine. Dajjal, il est arrivé, il est là. Ah, s'il est là, vous me faites peur dans la aqidah, les frères. Hein? Il est là, le Dajjal, ou il est là? Hein? Attention, c'est ambigu ce que j'ai dit. Hein? Mais la vraie question, c'est quoi? Est-ce qu'il est sorti? Hein? C'est pour ça que les ulama, ils disent quoi? Khourouj, hein? Ad-Dajjal. Non. Non? Et ouais. Et ouais. Allahu Akbar. Salah al-afi, fitna kabira. Dans au sous de l'imam Ahmed, il rapporte sur le Dajjal, la croyance au Dajjal, etc. Et il y a beaucoup de fawaïd parce que maintenant, si le Dajjal il sort, comment le salafi doit se comporter? Comment le sunni doit se comporter? Hein? Il y a des sunan à faire. Et à dire, ça ou là là? Hein? Et si on ne les connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Allah, mais moi, ce que je veux juste, je veux attirer l'attention sur quoi? Sur le fait qu'il faut apprendre, les frères. Non. C'est un chapitre qui est très court dans Usul Sunnah d'Imam Ahmed, dont d'autres livres vous trouvez de toute façon. Hein? Et on a traduit en français, c'est un des cours qu'on a fait de Usul Sunnah d'Imam Ahmed. Et on a expliqué, Cheikh Rabi, il a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et Cheikh Al-Albani, il a une risala, si je me souviens bien.